Micro ouvert. Trouver sur le net. Alors, pour cette chronique de ce soir, tu vas nous parler de voyage. On va voyager du côté de la mer de Chine, c'est bien ça? Oui, la mer de Chine. Enfin, je voulais juste évoquer, on parlait de libre circulation, on parlait de, donc, de gens qui se déplacent. Et je voulais juste avoir une petite réflexion à partir d'une histoire. L'histoire d'un navigateur chinois, Zhang He. Zhang He du début du 15e siècle. Youssef Boussouma, parole d'honneur radio. Et qui était grand amiral de la flotte chinoise. Alors c'est à l'époque des Ming, la dynastie des Ming. Et grand amiral qui est originaire de la province de Yunnan, sud-ouest de la Chine. Et il se trouve que, à travers des tas de circonstances, il va être nommé grand amiral de la flotte, alors qu'il avait jamais mis, il n'était jamais monté sur un navire, hein, uniquement parce qu'il était, un des favoris de l'empereur, qui le nomme grand amiral. Et il a eu raison, parce qu'il va exceller dans ses nouvelles fonctions. Et ce que je voulais avoir, c'est une petite réflexion sur la façon de... Vous savez, dans les programmes scolaires, il y a un chapitre qui s'appelle « Découvrir l'autre », hein. Alors on parle des voyages, des fameux voyages, des expéditions même sanglantes, de Christophe Colomb et autres, sous le vocable de découvrir l'autre, en français, hein. On découvrait l'autre, voilà. Et on faisait du tourisme, quoi. Bon, et je voulais dire, je me demandais... Y a-t-il eu tout le temps cette façon de voyager, de découvrir l'autre, entre guillemets, évidemment, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Zhang He. Parce que Zhang He, donc, part à la tête, il a fait des tas d'expéditions, et la Chine avait évidemment énormément d'avance sur le reste du monde. On est au début du 15e siècle, pensez donc, il part avec une expédition de 200 navires, et de 30 000 hommes. Et il va voyager comme ça. Alors il va atteindre le Mozambique. Et il va, au cours d'un de ses voyages d'ailleurs, faire. Il était musulman d'origine, mais ensuite capturé jeune, il avait été converti, hein, et au confucianisme. Et donc du coup, il avait quand même pas oublié qu'il était musulman d'origine. Donc il va même passer par la Mecque. Et il va ramener d'Afrique, du Mozambique, une girafe. Ben, donc tout ça est absolument documenté, c'est réel, on a des dessins, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il part à la tête donc, d'une flotte de 200 navires, 30 000 hommes. Alors il y a des légendes là-dessus. Alors il aurait eu la jonque amirale aurait eu 9 mâts. Aurait eu 9 mâts et aurait fait 120 mètres de long. Alors bon, faut revenir à des... Enfin il y a d'autres textes plus réalistes qui disent non, elle avait 60 mètres. Mais même 60 mètres de long, faut penser que la Santa Maria de Christophe Colomb faisait la moitié seulement. Hein, et donc on avait 150 hommes dessus, hein, voilà, ça vous donne une idée, 30 000 hommes et 200 navires. Et que se passe-t-il? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il voyage, et partout où il s'arrête, alors il a 30 000 hommes, il aurait pu facilement prendre possession des territoires, etc., eh bien non. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la Chine était forcément un état tout à fait pacifique, il y avait des guerres, etc., mais il se trouve qu'il y a eu d'autres attitudes. Et alors partout où il s'arrête, il distribue des présents. De la soie, de la porcelaine, etc. Et il dit, regardez comment mon empereur, hein, est généreux, est fastueux, etc. Et il se balade comme ça, puis il revient, uniquement pour dire, regardez comment mon empereur est généreux, fastueux, etc. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant, bah, par rapport à d'autres types de conquêtes que l'Europe va mener, elle, vers l'Afrique, etc. Et il n'y a pas eu cette volonté de prendre possession, alors qu'il l'aurait pu facilement. Alors évidemment, il signe des traités. Il demande à signer des traités d'amitié avec l'Empire, il demande à signer des... Mais à aucun moment, il va prendre possession de territoires comme ça. Alors ça, c'est intéressant. Alors ça donnait lieu à des légendes, cette expédition. Un amiral britannique à la retraite, spécialiste de cette histoire, prétend qu'il aurait atteint l'Amérique. Et que c'est cela qui ferait qu'au Mexique, par exemple, on aurait des gens qui auraient des yeux particulièrement bridés, etc. certains auraient fait souche. Bon, enfin, ça donnait lieu à quantité de légendes. Alors, et lui, prétend qu'il aurait découvert l'Amérique, qu'il aurait... abordé l'Amérique, donc 60 ans avant Christophe Colomb même. Ouais. 60 ans avant Christophe Colomb, donc c'est quand même quelque chose. Alors je pensais à cela, je me dis, parce qu'il y a cette idée qui dit, lorsqu'on s'intéresse aux expéditions meurtrières de l'Occident vers l'Amérique et autres, on nous répond souvent, mais ça c'est universel, de tout temps l'homme a toujours agi comme cela, et de toute façon les autres peuples, s'ils avaient eu les moyens, ils auraient fait pareil. Eh bien non, parce que les Chinois avaient une force considérable, beaucoup plus considérable que celle des conquistadors, hein, beaucoup plus considérable, ils avaient des armes encore plus performantes, et ils ne l'ont... Alors, je ne vais pas faire une généralité, hein, mais ils ne l'ont pas fait. Et je pense aussi à un autre voyageur, alors qui lui est africain, c'est Kangamoussa, et Kangamoussa qui est de l'Empire du Mali, qui lui part, alors lui part en expédition vers la Mecque, hein, mais c'est pareil, il distribue de l'or partout où il passe, il distribue de l'or, il donne de l'or, etc. Et à tel point, et là c'est aussi documenté, hein, que les chroniqueurs arabes du Caire disent, il a fait s'effondrer le cours de l'or pour très longtemps. Parce qu'il a tellement distribué d'or... D'un tiers. Comment ? D'un tiers. Oui, c'est ça, exactement, d'un tiers. L'or a perdu sa valeur d'un tiers. Donc ça c'est intéressant, ces gens qui voyagent comme ça, et qui, plutôt que d'aller piller, bah, distribuent des choses, disent, regardez, comme on est généreux, etc. Et je me dis que, donc cette assertion, alors, il ne s'agit pas d'en faire une généralité, mais cette assertion selon laquelle, eh bien effectivement, l'homme a toujours été guidé par le profit, bah, c'est faux. C'est dans sa nature. On sait que l'Europe a toujours été guidée par le profit. Et là, il y a une chose qui est claire, c'est que l'Europe, dans toutes ses expéditions, a toujours... Alors, il y a des explorateurs qui veulent la découverte, qui veulent connaître le monde, qui, il y a, etc. Mais tout de suite après, hein, vous savez, les fameux 3M, hein, d'accord, les missionnaires, les marchands, les militaires, qui sont là, et il y a cette logique implacable qui fait qu'à chaque fois qu'un explorateur en Europe a découvert un territoire, aussitôt ce territoire eh bien, est devenu la proie des pires européens jusqu'à en détruire et à commettre les génocides que l'on sait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, c'est donner un autre éclairage. Rien ne dit que la recherche du profit soit universelle et que de tout temps, voilà, comme on le dit trop souvent, non, je pense qu'un autre monde est possible. Ah, voilà. C'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau cette phrase. Merci Youssef pour cette belle chronique. Voilà, laissez l'espace des caméras, c'est bon. Que chacun puisse, tout le monde va. Vas-y, mets ta position. Alors là, on est place Saint-Michel à Paris pour un point presse du comité Vérité et Justice pour Adama. Adama Traoré, mort en juillet 2016 suite à une interpellation par des gendarmes. Une nouvelle expertise vient tout juste d'être versée au dossier et Assa Traoré, la sœur d'Adama, réagit face aux nombreux journalistes présents. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette expertise ? L'affaire Adama est déjà condamnée d'avance quand on voit cette expertise mensongère. Pour nous, c'est un mensonge d'État. La conclusion est mensongère, la conclusion est basée que sur du faux. Nous sommes dans un déni de justice. Aujourd'hui, on veut que la juge puisse entendre ces gendarmes et les mettre en examen. Aujourd'hui, le combat d'Adama Traoré n'appartient plus à la famille Traoré, mais appartient à toute la France. Les experts disent que... Alors ce nouveau rapport dit en substance qu'Adama Traoré a couru pendant 15 minutes sur une distance de 400 mètres pour s'extirper d'un contrôle de police. Mais ce même rapport dit aussi que l'arrestation a été pour le moins violente avec une pression thoracique. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce document ? On voit ça avec Youssef Brakni, il est membre du comité Vérité et Justice pour Adama. En fait, tout est fait pour ne pas comprendre en fait. Tout est fait pour embrouiller, tout est fait pour durer dans le temps et pour nous emmener dans des choses interminables, de demander des expertises sur contre-expertise. Donc on ne tombera pas dans ce piège-là. Mais nous, ce qui est intéressant de noter de notre point de vue, c'est qu'il y a quand même eu une série d'expertises quand même depuis le début qui ont toutes dit le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui a pu dire la même chose sur la raison de la mort d'un individu, d'un citoyen français aujourd'hui en France. Dans les trois, vous les lisez, il n'y en a aucune qui dit la même chose. Qui croire dans ce cas-là ? Qui croire ? Il parle effectivement pour la première fois enfin de pression thoracique. Donc c'est pas rien, parce que c'est ce qu'ont dit les gendarmes. Eux, ils n'avaient pas menti au départ, hein. Ils étaient sur le coup de l'émotion, ils ont dit la vérité, qu'ils sont montés à trois sur lui. Pour au final, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est venu de nulle part, qui est sorti d'un bureau caché et qui a écrit à la place de ses spécialistes la conclusion en gras et qui a mis « Par contre, il est mort parce qu'il a couru 15 minutes sur 400 mètres. » Donc il y a un problème quand même. Qu'est-ce que c'est que ces versions ? Donc il a fallu lui faire tout ça, plaquage ventral. S'il était quasiment noir, bah, c'était facile de l'interpeller. En fait, moi, quand j'ai lu cette expertise, j'avais l'impression d'avoir un non-lieu, en fait. J'avais l'impression des médecins qui disent « sauver les gendarmes ». J'avais l'impression de lire un acte militant, en fait. Mais nous, on ne laissera pas faire. C'est quoi la suite, alors ? La suite, dans l'immédiat, là, tout de suite, c'est le samedi 13. Du coup, on appelle à une manifestation pour contrer ces mensonges et qui est enfin un jugement, une justice pour la famille Traoré qui attend depuis 2 ans. Cette manifestation, vous comptez sur qui pour grossir les rangs ? Toute la gauche ? Cette manifestation, qui se fracture aujourd'hui sur la question des migrants ? Bah justement, ce serait une bonne occasion de tous se réconcilier, là, du coup, sur la question des violences policières. On leur dit, vous êtes face à un choix historique, prenez vos responsabilités, voilà, vous pouvez le faire, faites-le, vous pouvez soutenir comme vous le faites pour les Goudières, ça commence, là, et on les soutient aussi, les 800 de Goudières qui attaquent au Prud'homme, là, en ce moment. Ça fait partie du mouvement social, la lutte contre les violences policières et la lutte contre le racisme, et il faut en être. Question pour la base, si j'y suis ? Ouais. Vous êtes la maman de Adama. D'Adama. Mmh. Depuis que votre fils est mort, mmh. là c'est le deuxième président. Mmh. Il y a eu le président Hollande quand mmh. c'est arrivé, là mmh. c'est le président Macron. Mmh. Est-ce que l'un ou l'autre mmh. de ces présidents mmh. ou leurs conseillers mmh. sont venus chez vous, vous ont appelé ou... Il n'y a personne qui est venu nous, chez moi, il n'y a personne qui m'a appelé, il n'y a personne qui m'a envoyé même un bout de. Même une lettre, une simple lettre, comme quoi que votre fils il est mort, toutes mes condoléances, personne n'a fait. Parce qu'Adama, il ne le calcule pas, mais le président malien, il nous a soutenus. Quand on est parti enterrer Adama, lui, il nous a soutenus. Il nous a appelés jusqu'au palais, il nous a soulagés, il nous a bien parlé. Donc on le remercie toujours. Adama, il a ses droits ici. Hein. Il a travaillé comme tous les Français. Il a les mêmes sécurités sociales que M. Macron et M. Hollande. Comme tous les Français. Voilà. Alors vous, Geoffroy de la Ganay, vous êtes politologue, sociologue. Tout à l'heure, Assa Traoré a parlé de mensonge d'État. Absolument, c'est un mensonge d'État et une manipulation d'État. C'est-à-dire que il ne faut pas concevoir l'État comme une instance neutre. L'État a des intérêts et l'État se défend contre un certain nombre d'intérêts. On sait que l'un des grands problèmes aujourd'hui dans l'ordre policier, c'est le suivisme des institutions par rapport à la police, c'est-à-dire l'incapacité à mettre en question radicalement l'ordre policier, les pratiques des gendarmes, les pratiques de la police, et que de ce point de vue-là, il y a une institution qui s'appelle l'institution judiciaire qui se met au service des gendarmes, de l'ordre policier, pour construire des vérités alternatives à la vérité. C'est-à-dire que c'est une construction très classique, quand quelqu'un meurt à cause de la police, de dire en fait il est mort de lui-même, il est mort de manière autonome, et les gendarmes n'y sont pour rien. En dernière instance, c'est un peu lui qui est mort tout seul, et ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler un mensonge d'État. Cette question des violences policières, la question de la mort d'Adama, est-ce que ça peut être la question qui remet toute la gauche dans le bon ordre de marche ? À partir du moment où il y a la question de la vie et de la mort, il y a la question de la politique. C'est-à-dire que la question centrale aujourd'hui, c'est qui meurt avant qui ? Et on sait que le grand problème aujourd'hui, un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a entre 10 et 15 jeunes garçons noirs et arabes qui meurent aujourd'hui à cause d'actions policières ou gendarmes dans les quartiers populaires. Et donc, il y a la question du rapport différentiel à la mort. À partir de ce moment-là, forcément, la gauche, les mobilisations sociales, doivent prendre en compte ces vies pour reconstruire la question de l'espace public, du rapport à l'État, du rapport à la police, de la question de la délinquance. Et que ça, c'est un angle qui est un angle noir de la gauche qui a souvent exclu ces questions de son centre. Et moi, je pense que si on ne définit pas comme centrale une question qui concerne la vie et la mort, alors on est un peu complice des opérations qui produisent la mise à mort prématurée des jeunes garçons noirs et arabes aujourd'hui en France. Je vais vous raconter mon rêve, parce que comme ça, j'ai commencé par un rêve, j'ai terminé par un rêve, mais c'était plutôt un cauchemar. Je faisais le rêve que j'étais dans un train qui allait à toute vitesse et qui allait droit dans le mur, que dans ce train, tout le monde s'amusait bien et dansait, et moi, je leur disais, mais on va droit dans le mur. Et pourtant, j'aidais des gens à monter dans le train. Présente-toi un peu. Eh bien voilà, je suis avocate et j'essaye d'exercer ce métier de manière la plus alternative possible, de manière à mettre le droit au service des plus démunis, des plus démunieux, et de faire du droit une arme pour arriver à une société un peu plus juste que la société assez catastrophique dans laquelle on vit actuellement. Mais comment ça se fait, ça, que, parce que moi, j'ai plutôt l'image des avocats qui défendent le système qui est là établi. D'ailleurs, même la loi va avec les avocats, avec les gens. Voilà, je me fais des idées, mais ce n'est pas que des idées. Hein, la loi est faite pour les riches, quoi, en gros. Moi, ce que j'explique tout le temps aux gens, c'est que j'envisage mon métier comme plutôt un boulot de traduction. La loi, c'est le langage, le droit, c'est le langage du dominant sur le dominé. C'est la manière dont l'État, et l'État appartient aux riches, parle à la population. Et souvent, la population ne comprend rien. Il suffit de lire un jugement, d'aller à un prononcé d'un jugement, vous n'allez rien comprendre. Et les juges ne comprennent pas ce que les gens leur disent. Et donc moi, j'envisage mon boulot comme un boulot de traductrice. Je traduis les revendications des gens en termes juridiques et je traduis ce que le juge leur répond en langage ordinaire. Oui, mais quoi, il suffit de faire ça, en fait, pour changer les choses? Il suffit d'être traductrice? Non, ça ne suffit pas. Ce que je pense... qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que le droit n'est pas juste. Le droit n'est pas fait pour être juste. Le droit, c'est juste ce qui est légal. Donc, pour comprendre ça facilement, l'esclavage ou même l'Holocauste étaient légaux à l'époque où ils ont été pratiqués. Donc, on sent bien que ce n'est pas juste. Le droit, c'est ce qui est légal. Et ce qui est légal, c'est ce qui, dans une société donnée, semble légitime. Parce que les gens ont besoin de légitimité. Et souvent, le pauvre, le migrant, le sans-papier, la femme battue, le SDF, n'ont aucune légitimité dans notre société. Par contre, le juge, l'avocat, sont des gens légitimes. Et donc, qui dit ça, en fait? C'est qui dit ça, en fait, à la base, ce que tu dis? Personne ne le dit ouvertement comme ça. Mais c'est un fait sociologique que si un juge vous dit quelque chose, ça a l'air vrai. Si un SDF vous dit quelque chose, vous allez penser qu'il vous ment pour essayer de vous arnaquer ou autre chose. Alors qu'il y a certainement plus de juges qui sont des arnaqueurs que des SDF. Mais c'est un fait sociologique qu'il y a des gens dont la parole a une autorité et des gens qui ne sont absolument pas entendus dans la société. Oui, ceux qui savent bien parler, défendre leurs idées, ça marche déjà mieux. J'avais fait un micro ouvert comme ça il n'y a pas tellement longtemps. Mais Selma Ben Khalifa, pourquoi? Parce qu'après, on va démarrer aussi ce pourquoi on se rencontre. Hein, mais j'avais aussi envie de prendre un peu de temps, hein, tiens, avec ces avocats. Il y a beaucoup d'avocats comme ça qui défendent plutôt les gens en marge, les gens qui sont difficiles, les gens qui sont dans la galère. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais... qui en a pas assez, qui essaye vraiment de se structurer pour pouvoir, sur le long terme, pas uniquement défendre de manière humanitaire quelqu'un qui galère, mais essayer d'obtenir des changements structurels pour faire qu'il y ait de moins en moins de gens qui galèrent. Alors que pour le moment, on se constate qu'il y en a de plus en plus. Parce qu'il paraît que les avocats, ça gagne bien sa vie. J'en sais rien. Hein. Et du coup, toi, tu gagnes bien ta vie, toi, qui t'occupes des où c'est plus la galère. Nous, on a fait le choix de vivre avec un salaire très, très bas. Ah, et donc, c'est carrément... c'est pas simplement des idées, quoi. C'est vraiment du concret. Mais c'est fou, ça. Oui, c'est un choix de vie, mais c'est un choix de vie qui... On n'a peut-être pas beaucoup de monnaie sonnante et trébuchante, mais on a beaucoup d'autres richesses, des richesses humaines, des rencontres, de la fierté de ce qu'on fait et de ce qu'on apporte. Donc, moi, je trouve ça plus important que l'argent. Mais en tout cas, moi, je voulais vous dire bravo, bravo, bravo, parce que j'ai vu pendant que c'était les élections, avant que les élections n'aboutissent, là, un peu ras-le-bol de tous ces tracts, de toutes ces têtes, de tous ces... Enfin, voilà. Et je vois défiler sur le réseau social un article avec une vidéo d'un monsieur Ahmed Elassi, c'est comme ça qu'on dit ? Elassi. Elassi. Donc ça, il s'agit de ce monsieur et c'est Bruxelles Panthère, enfin soit des gens qui sont dans l'associatif, qui défendent, comment je dirais ça, les droits des gens, le racisme, qui sont contre évidemment. Et du coup, c'était vous aussi, Selma Ben Khalifa, qui racontiez un petit peu toute cette histoire avec ce monsieur et j'avais envie que vous le racontiez parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est ça, faire de la politique, quoi. Vous êtes sur le terrain, vous êtes avec les gens, vous les aidez concrètement. Ben voilà, c'est pas du blabla, blabla. Bien que c'est intéressant aussi d'échanger la pensée, etc. Mais c'est aussi action. Ben, vous, votre métier, en plus, c'est les deux. J'agis et en plus, je dois défendre des idées, trouver des combines de blabla. Donc, je vous explique l'histoire et puis vous allez voir que c'était pas des combines de blabla. C'était vraiment une injustice. Qui, j'espère, va pouvoir être réparé. Donc, ça s'est passé le 17 septembre 2018. Ahmed El Asseï, il est SDF à ce moment-là depuis à peu près un an et demi. Il vivait avant en Flandre, il avait un appartement, et puis suite à une rupture, enfin, c'est la dégringolade, il ne paye plus son appartement, il est mis dehors, et puis en Flandre, ça ne se passe pas très bien, il vient à Bruxelles. Dans un premier temps, il essaye eh bien, de ne pas dormir à la rue, d'aller au SAMU social, mais vous devez savoir qu'au SAMU social, il faut faire la file, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc, petit à petit, il s'isole de plus en plus, il finit sur des cartons. Et merde, quoi, ça, c'est, hein, c'est triste, quoi, ça. Ah. Ça veut dire que ce monsieur s'est retrouvé tout seul, c'est ça que ça veut dire aussi, hein. Fragile, démuni, tout seul, il dort sur des cartons dans une impasse près de l'Office des étrangers, en face du parc Maximilien, et il est aidé par Lilo, qui a un hébergement de jour, où il va de temps en temps boire un café, laver ses affaires. Mais en dehors de ça, c'est vraiment la vie de SDF. Et ce qu'il explique, c'est qu'il est constamment harcelé par la police. Donc, il dit que les policiers le harcèlent, que les policiers le maltraitent. Et quoi, les policiers le maltraitent quand il est dehors à faire la manche ou à glander sur un banc et des choses comme ça, c'est ça que... Lui dit qu'il le maltraite et qu'il lui vole ses affaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les zones de police envoient des policiers pour faire dégager l'avocat de la zone de police. Lors du procès, disait déguerpir les SDF. Tous les matins. Donc, il y a des patrouilles qui ont comme fonction d'aller faire déguerpir les SDF. Alors, évidemment, comme ça se passe tous les matins, le SDF, lui, le ressent comme du harcèlement. C'est pas un policier qui a comme idée, je vais aller harceler un SDF. Non, mais c'est du harcèlement en même temps. C'est du harcèlement institutionnalisé, disons. Surtout qu'on leur demande de dégager, sans leur donner un autre endroit où aller. Donc, chaque patrouille a la responsabilité, je vais dire, d'un périmètre. Il fait partir d'un périmètre. Et puis, quand le SDF arrive dans l'autre périmètre, là, il y a un autre patrouille qui est responsable de ce périmètre-là, qui va le faire partir plus loin, etc., etc. Et donc, il se plaint de ça. Il dit que parfois, ils sont brutalisés. Et il dit qu'on lui vole ses affaires. Du point de vue des policiers, c'est après avoir fait dégager les SDF, on doit ramasser leur crasse et les mettre à la déchetterie. Mais leur crasse, c'est tout ce que les SDF possèdent. Donc, eux le ressentent comme un vol de leurs affaires. Ce jour-là, il est 8h du matin, la patrouille arrive pour faire dégager les SDF. Ils sont deux, il y en a un qui dégage. Et Ahmed... Ils sont deux policiers. Ils sont cinq policiers et deux SDF. Il y en a un qui dégage. Et Ahmed s'assied. Il y en a un des excuse-moi parce que il y en a un des SDF, voilà. qui part spontanément. Il part spontanément. Et Ahmed, il veut pas partir. Il dit ça suffit. On m'a fait déguerpir trop de fois. Je bouge pas. Ici c'est chez moi. Mmh. C'est mon carton. Mmh. Je bouge pas de là. Il y a une chaise. Il s'assied sur cette chaise. Il s'allume une cigarette. Et dans sa main, il a une opinelle. 4-5 cm de lame, hein, pas une arme effrayante, mais... Et il la tient. Et tu l'as vu, toi, Selma, ce couteau? Ah, oui, je l'ai vu et revu parce qu'on l'a montré au tribunal, etc. Les policiers lui disent de lâcher ce couteau. Il dit non de la tête. Là, les policiers le gazent avec du pepper spray et le matraquent. Du coup, il se lève pour partir. Les policiers l'encerclent pour l'empêcher de partir, alors que le but initial, c'était qu'il dégage. Il se fait encore matraquer. Il se fait encore gazer au pepper spray. à 3 reprises. Et puis, il est plaqué contre le mur de l'Office des étrangers. Un policier essaye de lui faire une clé de bras pour lui faire lâcher son couteau. Et alors que lui fait un geste pour se dégager de cette prise, le policier est blessé à la tête. Comment il est blessé à la tête? Comment ça se fait, ça? À la radio, c'est difficile de faire un geste, hein. Mais donc il a les deux bras contre, donc il est plaqué contre le mur. Il a les deux bras Monsieur contre Ahmed. Le mur. Monsieur Ahmed est plaqué contre le mur. Il a les deux bras contre le mur à hauteur de sa tête. Et puis le policier essaye de lui faire une clé de bras. Lui se débat et voilà. Blesse le policier au niveau de la tête. Fort. Les médecins qui ont examiné le policier ont dit une égratignure superficielle. Ce policier donc qui est blessé est évacué et quelques secondes plus tard, un policier tire 3 fois à 3 reprises. À une vitesse, les balles font taf, taf, taf. Il tire en l'air, par terre. Il tire en direction du thorax. Il le dit, je visais le buste. Mais pourquoi là, c'est fou. Là, on rentre. Ahmed, une fois au niveau du ventre, une fois au niveau de la jambe et une fois une balle rate son cou. Donc Ahmed s'effondre. Alors qu'il est couché par terre, il est encore matraqué. Et on lui met les menottes en attendant l'ambulance. Il est amené à Saint-Pierre en soins intensifs. Mais Selma, excuse-moi, parce que moi j'aime bien aussi. Mais comment tu sais ça? Comment tu es sûre de ça, puisque tu n'étais pas là? Comment ça se passe? Pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, ce sont les déclarations des policiers eux-mêmes. Ok. Donc il y a un procès verbal avec les choses écrites dessus. Il n'y a qu'à lire ce que tu viens de dire. Il y a des dizaines de témoignages. Donc Ahmed qui raconte ce qui s'est passé et les différents policiers qui étaient là. Simplement, maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé. Après, il va falloir voir comment c'est traduit en droit. Eh bien, c'est traduit en droit par une instruction qui est ouverte à l'encontre du policier, qui est toujours à l'instruction. On doit examiner si l'incident de tir, c'est comme ça qu'on traduit en droit, était justifié ou pas. Excuse-moi, mais j'aime bien. Mais attends, moi je sais déjà s'il est justifié ou pas. Il n'est pas justifié, ça me semble. C'est un juge de le traiter, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de jugement. D'accord. Il n'y a pas encore même de clôture de l'instruction. À l'égard de Ahmed, ça a été qualifié de tentative de meurtre sur 4 policiers. Donc avec le couteau avec une lame de 5 cm, 4 policiers qui étaient armés avec gilets pare-balles, etc. Et donc, on est d'accord que ça, c'est la déclaration des policiers qui raconte quoi? Qualification. Moi, je vous ai raconté, les policiers racontent comment ça s'est passé. Après, c'est qualifié de tentative de meurtre à l'égard de 4 policiers, de rébellion armée et de port d'armes prohibées d'un couteau à cran d'arrêt. Et Ahmed est condamné à 5 ans de prison de ses 3 chefs. Donc, ce que moi j'ai fait à ce moment-là. Mais toi, voilà, toi tu interviens. Comment on fait? Qui t'appelle en fait? Ce type est tout seul et tout ça. Donc, ce type a un avocat prodéo. Donc un avocat gratuit quoi. Oui, il est condamné à 5 ans de prison. Oui, ce type, Monsieur Ahmed a un avocat prodéo comme la loi le dit en fait, oui. Ça. Je ne vais pas spécialement critiquer un confrère à la radio, mais il n'a pas fait grand-chose. Bah, c'est connu, il paraît qu'on... Enfin, tu n'as pas besoin de critiquer. Il paraît qu'on sait que si c'est prodéo, ce ne sera pas, bon, quoi. Ça dépend de l'avocat, s'il est là pour se faire de l'argent ou s'il est là pour essayer de rendre un tout petit peu de justice. Donc, moi, j'ai été contactée par des gens qui ont suivi cette affaire et ont été... au prononcé du procès. Ahmed n'était même pas là. Donc il y a des simples citoyens qui ont été au prononcé du procès, qui savaient que je m'étais intéressée à l'histoire parce que j'avais à l'époque, encore au mois de septembre, écrit un article en disant « mais enfin, c'est pas normal qu'un policier tire sur un SDF ». Et j'ai fait appel. Donc j'ai rencontré Ahmed, il m'a expliqué l'histoire. Il faut savoir que quand on le rencontre, il fait plus chic monsieur que SDF. C'est quelqu'un qui avait une vie qui... C'est vraiment un accident de la vie, le fait qu'il est devenu SDF. Oui, moi, ce que je comprends quand tu dis ça, c'est que ce monsieur a gardé toute sa tête, quoi. Parce que souvent, quand on vit dans la rue, on devient un peu fou, normal, avec tout ce qu'on vit de pas chouette. Il a gardé toute sa tête, il est très lucide. Mais il devenait complètement paranoïaque. Parce qu'il disait, mais j'ai jamais voulu tuer personne, c'est eux qui m'ont tiré dessus. Enfin, c'est... Et donc, le fait de rencontrer quelqu'un en prison qui le croyait, ça lui a fait beaucoup de bien. Il faut savoir qu'en prison, il est tout seul parce qu'il est dans une cellule médicalisée, puisque juste à présent, il a une poche extérieure, puisqu'il a eu le côlon perforé. Donc, il a encore du liquide qui sort. Enfin, il est dans un état de santé quand même grave. Donc, excuse-moi, Selma, mais il est allé un peu à l'hôpital, on l'a soigné quand on lui a tiré dessus. J'imagine qu'il a pas... Enfin, tout de suite, hôpital, quoi. Oui, il est resté près de 20 jours en soins intensifs. Au départ, on ne savait même pas s'il allait survivre. Hein. Donc, mais même maintenant, des mois plus tard, il a encore des séquelles graves, il doit encore être opéré, etc. Ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de faire du droit, comme ce que je vous ai dit, de traduire ce que lui nous disait en termes juridiques. Lui disait « je n'ai jamais voulu tuer un policier, je n'aurais même pas pu, c'était un petit couteau ». Bon, on a été voir la photo du couteau qui était dans les pièces à conviction, c'est une opinelle qu'on plie. Il dit qu'il l'a acheté à 3 euros chez Action. Or, il est condamné pour port d'armes prohibées. Ce n'est pas une arme prohibée si elle est en vente libre chez Action. Donc, le dossier disait que c'était un couteau à cran d'arrêt. Ça n'est pas un couteau à cran d'arrêt. C'est une arme qui est totalement autorisée. Oui, parce qu'un couteau à cran d'arrêt, c'est un énorme engin, quoi. Ou c'est un couteau dont la larme jaillit quand on appuie sur un bouton, ce qui n'était pas le cas. Donc, on a fait des conclusions dans lesquelles on a dit, bah, déjà, ce couteau, ce n'est pas un couteau à cran d'arrêt. Ensuite, on a repris... la définition légale de ce qu'est une tentative de meurtre. Et pour qu'il y ait tentative de meurtre, il faut qu'il y ait une volonté explicite de tuer la personne. C'est pas toutes les bagarres au couteau qui sont une tentative de meurtre. Il faut vraiment qu'il ressorte du dossier qu'il y a une volonté de tuer la personne. Une préméditation, quelque part ? Pas toujours, mais une volonté, ça peut ressortir du nombre de coups de couteau, de la force avec les coups de couteau sont donnés, de l'endroit visé ou de déclaration. Si quelqu'un fonce vers vous avec un couteau en disant « moi, je vais te tuer », c'est qu'il y a une volonté de tuer. Là, tous les policiers admettaient que Ahmed n'avait jamais rien dit. Pendant toute la scène, il était silencieux. Il faisait des gestes désordonnés pour se débattre. Et il était aveuglé par le pepper spray, puisqu'il a reçu à 3 reprises du pepper spray dans les yeux. Pour ceux qui ont déjà été en manifestation, quand il y a du pepper spray, même de très loin, donc pas à bout portant dans votre visage, hein, mais même de très loin, vous ne voyez plus rien. Ça fait extrêmement mal. Donc, lui était incapable de voir. Donc, on le voit dans le dossier, quand il est à l'hôpital et qu'il est interrogé par le juge d'instruction, il apprend qu'il a blessé un policier. Il ne le savait même pas. Il faisait des gestes désordonnés. Quand le policier a essayé de le désarmer, il a été blessé à la tête, mais Ahmed ne s'est même pas rendu compte qu'il avait touché quelqu'un. Donc, nous, on a vraiment conclu qu'on ne pouvait pas retenir la tentative de meurtre. Et quand tu dis « nous », c'est qui ? Nous, Ahmed et moi. Okay, et j'ai aussi un autre collègue qui a plaidé avec moi. Et donc, mais même le tribunal était assez mal à l'aise parce que l'avocat de la zone de police a beaucoup plaidé en gros que les SDF sont des gens qui le font exprès, sont des gens qui refusent de s'intégrer dans la société. Or, moi, ce que j'ai vraiment essayé d'expliquer, c'est que SDF, ce n'est pas un choix de vie. SDF, c'est un accident de la vie. C'est des gens qui sont... Enfin, on ne peut pas leur reprocher la misère et le désespoir dans lequel ils sont. Mais tu ne trouves pas que ça, c'est le fossé dans lequel on a l'impression qu'il y a deux gros camps dans notre société ? les gens qui comprennent que SDF, ben, c'est la merde, et d'autres qui disent « Ah, ben, ils ont qu'à se bouger, ils ont qu'à, enfin, un petit peu de... Hein ?» T'as pas l'impression que là, on touche vraiment au cœur de notre système en ce moment, quoi. Tout à fait. C'était vraiment impressionnant la manière dont les deux visions se confrontaient. Et ça, selon toi, hein, voilà, c'est juste comme ça. C'est dû à quoi, ces deux visions, comme ça, hein, juste pour causer mais c'est quoi, puisque t'es en plein cœur du sujet quand même, ce serait dû à quoi, ces deux visions énormes qui séparent les uns des autres? Là, je m'écarte du dossier, mais je crois que quand on est un dominant, en gros, homme blanc, hétéro, bourgeois, et qu'on n'a jamais été confronté aux vraies difficultés, à la discrimination, etc., on a l'impression que la vie est facile, parce que sa vie a effectivement été facile. Sauf que quand ils ont deux, trois problèmes, ils estiment qu'ils ont vécu des trucs dingues. Tu ne crois pas qu'il y a aussi le fait, c'est ce que tu dis, et ça me parle évidemment, mais il y a aussi une volonté de ne pas aller vers l'autre, de ne pas comprendre ce qui se passe l'autre dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, au-delà de soi-même. Il y a cette absence d'empathie, ça c'est sûr. On philosophe un peu là, on fait de la philosophie. Mais au-delà de l'absence d'empathie, il y a aussi... une volonté de ne pas se remettre en question. Si c'est la faute des SDF eux-mêmes qui sont SDF, c'est pas de ma faute à moi. Si c'est la faute de la société, moi je fais partie de cette société, c'est aussi partiellement de ma faute. Et je crois que c'est cette culpabilité-là que les gens ne veulent pas porter. Chaque année, il y a des dizaines de SDF qui meurent en rue alors que nous, on est dans nos maisons et qu'il y a du chauffage. Et ces morts sont partiellement de notre faute. Il faut vivre avec. Et c'est dur de vivre avec, en se disant « moi j'y suis pour rien, j'ai une belle maison mais c'est parce que j'ai travaillé et eux c'est de leur faute », on se retire de cette culpabilité qui est parfois insupportable. Merci Selma. On continue alors la sale histoire de monsieur Ahmed Hedezi. Donc alors... Il y a eu toute une discussion qui s'est déroulée au tribunal sur justement les qualifications. Donc le tribunal était tout à fait d'accord que le couteau, il n'est pas à cran d'arrêt. Donc ça, ce n'est pas une arme prohibée. Donc on en était peut-être en te coupant comme ça. Mais moi, j'aime bien parce que du coup, ça rend dynamique aussi. On en était à dire que les policiers de zone de police, je crois, ils avaient l'air de dire que les SDF, c'était de leur faute, quoi. On en était là, en fait. C'était quelque chose comme ça que tu disais. Oui, ça, c'est l'avocat qui les défendait, qui disait. Les policiers n'étaient pas là. Donc, ce n'est pas eux qui avaient ce jugement-là. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, eux, personnellement. Si ça se trouve, ils ne sont pas contents de devoir faire ce boulot, de faire déguerpir les... Ah oui, c'est l'avocat des policiers, en fait, qui dit ça. Oui, l'avocat de la zone de police. Et donc... On a vraiment eu une vraie discussion et il a été question, et j'espère que ce sera ça qui sera retenu, de disqualifier, c'est-à-dire de changer la qualification de tentative de meurtre en une qualification de menace par geste. Et ça, je pense que c'est une traduction juridique correcte de ce que Ahmed El Asseï dit. Lui, quand je lui demande « mais pourquoi tu as sorti ce couteau ?» C'était absurde, en fait. C'était absurde parce qu'ils sont 5 policiers, ils ont des matraques, ils ont des armes, ils ont des gilets pare-balles, ils sont plus grands, plus forts que toi. Qu'est-ce que t'espérais faire avec ton petit couteau ? Il disait, je voulais juste leur faire peur pour qu'ils me laissent tranquille. J'étais fatiguée, je voulais qu'on me laisse tranquille, je suis fatiguée, je veux qu'on me laisse tranquille. Et donc, il y a une sorte de ras-le-bol qui est plus important qu'un ras-le-bol, qui est un désespoir. Et ce terme de fatigué, on l'entend souvent chez des migrants, chez des SDF. C'est pas juste la fatigue comme nous, on la ressent quand on en... C'est vraiment une marque de désespoir. Je n'en peux plus. Et donc, oui, il a menacé les policiers. Oui, il a refusé d'obtempérer à l'ordre qu'il leur donnait. Donc, les infractions... de menaces, de rébellion, elles sont établies. Mais maintenant, est-ce que c'est une peine de prison qui... De 5 ans, tu disais. Oui. Mais pour menace, c'est même plus possible 5 ans. Hein, c'est 3 ans maximum. Mais même 3 ans, est-ce que par rapport à des infractions qui ont été commises dans des circonstances comme ça, est-ce que c'est une peine de prison qui est la solution? On a un problème de société avec les SDF. Ce qu'il faudrait, et je l'ai plaidé, c'est ne pas leur envoyer des policiers, mais des assistants sociaux. C'est leur trouver une solution structurelle. Pas juste leur dire « dégage de notre périmètre » pour arriver à un autre périmètre où un autre policier va te dire « dégage de mon périmètre ». On ne peut pas traiter ces gens juste comme des indésirables. Si on ne désire pas de SDF dans nos rues, et je fais partie de ceux qui ne désirent pas de SDF dans la rue, eh ben la seule solution, c'est de leur trouver des maisons, c'est de leur trouver des logements, c'est leur trouver une solution pour qu'ils ne soient plus dans la rue. Juste les faire bouger ailleurs pour ne plus qu'on les voit à cet endroit-là, c'est pas du tout la solution. Et qu'est-ce que disait le juge ? Parce que c'est intéressant comme vision du monde. Ben, les juges, ils ne donnent pas leur opinion comme ça. Leur opinion personnelle, ça, voilà, que tu veux dire ? Leur opinion personnelle ou même leur opinion de ce qu'ils vont juger. On aura le jugement le 21 juin. Mais il interagissait quand même dans le sens où, quand j'expliquais c'était quoi la vie des SDF, on sentait bien qu'il comprenait que c'était pas aussi caricatural que ce que disait l'avocat de la zone de police, qui lui expliquait que ces gens, on leur proposait tout. Ils avaient des centres dans lesquels ils pouvaient aller, dans lesquels il y avait... On leur offrait même du café. Oh. Oui, mais c'est ça, c'est la fracture de ces deux mondes, je trouve. C'est énorme, quoi. Je trouve qu'on est... C'est vraiment un duel aujourd'hui très fort, très puissant, de se dire, t'as qu'à travailler, bouge-toi les fesses, SDF, ou... Enfin, c'est fou. Enfin, voilà. Oui, surtout que cette injonction n'est donnée que à certaines personnes qui, en général, sont les plus précaires, et alors quand c'est encore plus fort quand c'est les étrangers, parce que quand un grand bourgeois, un avocat fait un burn-out, on lui dirait pas t'as qu'à travailler, hein. Là, tout le monde est compréhensif, alors que parfois les raisons du burn-out, si on les compare aux raisons d'être désespéré de certains migrants, on peut se dire, bon, vous exagérez peut-être un peu. Hein. Finalement, votre histoire, elle n'est pas dramatique. Vous n'avez pas perdu toute votre famille sous les bombes. Enfin, mais on n'oserait pas dire ça. On n'oserait pas. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Une maman qui a un enfant, qui a perdu un enfant d'une maladie ou dans un accident de voiture, eh bien, tout le monde a de l'empathie. Si elle est à la mutuelle pendant des années parce qu'elle est en dépression, tout le monde comprend la dépression nerveuse. Une maman migrante qui a eu un de ses gosses qui est mort noyé, on va la régulariser sous condition de travailler, hein. Il ne s'agit pas de venir profiter. Et quoi, ça veut dire que la maman migrante, elle a moins de souffrance que la maman ici, elle était moins attachée à son enfant. Enfin, mais c'est quoi, ça ? Les injonctions de travailler sont beaucoup plus adressées aux gens les plus précaires qu'aux gens les plus bourgeois. Dans les familles d'aristos, combien de madames ne travaillent pas et on ne se scandalise pas pour autant ? Oui, c'est sûr, mais là, tu vises super haut, quoi, l'aristo, tu vois. Moi, je pense aussi à des gens... On pourrait rajouter ça, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas au courant, ou alors ils veulent simplifier les choses, ils veulent pas trop se casser la tête, et c'est bien de dire, allez-vous-en, retournez chez vous, nous, on a déjà tellement difficile. Il y a ça aussi dans notre paysage social, non ? Retourner là-bas, tu sais, pas trop réfléchir vraiment aux causes de tout ça, pourquoi, comment, retourner d'où vous venez, parce que nous, on a déjà tellement difficile. Et puis une politique qui tape sur le clou aussi beaucoup, hein. Faut pas oublier ça, non ? Mais justement, ce procès, moi, il m'a fort frappée, parce qu'il a perturbé certains de mes préjugés. J'avais l'impression que, bien... je vais dire en gros, la droite bien pensante était raciste. trouvait que les migrants devaient se casser, mais était favorable à nos SDF. Là, Ahmed, il est belge, hein, donc il fait partie de nos SDF. Et le mépris, la méchanceté de ce qui a été dit à ce procès sur les SDF, en disant « c'est même pas des migrants ». C'est même pas des migrants. Ils ont même pas de raison. Il s'est retrouvé à la rue juste finalement après un déboire amoureux. Quoi de plus banal? Rien de politique là-dedans. Maître Ben Khalifa veut en faire quelque chose de politique, mais ça n'a rien de politique. Alors que, qu'est-ce que veut dire politique? Politique, c'est comment on gère la ville. Eh bien, un des gros problèmes de la ville, c'est qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. C'est qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est, s'il y a le problème à solutionner avant tous les autres, c'est celui-là. Et je n'imaginais pas une telle agressivité à l'écart des SDF. Je pensais qu'on était quand même peut-être indifférent à leur égard, mais pas haineux à leur égard. Or là, il y avait vraiment de la haine et du mépris à l'égard des SDF qui était assez surprenante. Oui, parce qu'il faut justifier, il faut tenir bon, enfin, tu vois, il y a aussi ça. Mais j'aimerais bien, parce que le temps, il avance, qu'on focalise aussi un peu sur ces policiers, quoi. C'est un peu dingue, cette violence policière gratuite, ces ordres donnés qui sont, là, comme tu dis, tu en as parlé au juge, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Mais je veux dire, ces flics sont pas payés pour taper déjà des gens qui ont difficile, quoi. Enfin, je me demande, c'est quoi cet abus? J'ai envie de dire ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, moi, je suis très fort en France, plus qu'ici, bien qu'ici aussi, il y a des choses qui se passent, hein. Mais j'ai l'impression qu'en France, comme c'est un plus grand pays, ça prend peut-être plus d'ampleur aussi. Mais le comité Adama, tu vois, ce jeune garçon de 20 ans, il fêtait son anniversaire, les flics s'en occupent et hop, il est mort. Il est mort, ce jeune garçon. Il y en a plein comme ça, mais ici aussi, hein. Je me demande comment ça se fait que cette histoire-là avec monsieur Ahmed Lézi, il n'est pas complètement sauvé, mais ouf, quoi, on a envie de dire. Heureusement, il y a des avocats comme vous, et puis d'autres, des associations qui défendent ce monsieur. Mais comment est-ce qu'on te croit? Comment est-ce que vous avez quand même la parole? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans des situations, dans des histoires, c'est... Je veux dire, par exemple, dans l'histoire de la famille Traoré, Adam Traoré, le frère est en prison, les deux frères. Enfin, c'est une histoire de dingue, quoi. Il y a vraiment un blocage de l'État pour surtout pas reconnaître les défaillances. C'est plus que les défaillances des flics, quoi. C'est l'abus de violence, le racisme d'État aussi. Enfin, comment est-ce que, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que tu peux essayer de m'éclairer? T'as compris ma question? Donc, il y a une impunité quand il y a des violences policières, qui est organisée. Notamment parce que, déjà au préalable, c'est fait pour être violent. Si on demande à des policiers d'aller faire déguerpir des SDF, si on demande à des policiers de vider le parc Maximilien, si on demande à des policiers de faire ce genre d'opération, fatalement, vous les faites déguerpir à tout prix, il faut les faire déguerpir. Eh bien, si le type ne veut pas déguerpir, on va le pousser. S'il se défend, on va le taper. On a les matraques qui sont là pour ça. Donc, il y a déjà quelque chose de violent au préalable dans les ordres qui sont donnés. Ensuite, quand il y a vraiment un dérapage, parce que là, le policier n'a jamais reçu d'ordre de tirer, il ne devait pas tirer, on voit que tout est mis en place pour justifier. Je pense sincèrement que M. Ahmed El Hassey a un procès pour tentative de meurtre uniquement, et qu'il a été condamné pour tentative de meurtre uniquement pour justifier le tir policier. Puisqu'il y a un procès qui a été très vite, celui de la victime du tir, et un procès qui va beaucoup plus lentement. Donc, au moment où le juge dans le procès incident de tir devra se prononcer, il y a déjà une condamnation pour tentative de meurtre, et donc il est logique d'avoir tiré si quelqu'un essayait de vous tuer. Et on le remarque que cette espèce de pendant existe chaque fois. Chaque fois qu'il y a des violences policières qui sont exercées, il y a aussi un procès pour rébellion qui est exercé à l'encontre de la victime. Mais est-ce que c'est violence policière ou bien c'est carrément, je ne sais pas les termes moi, mais c'est plus que violence policière, c'est carrément la violence c'est de la faute, mais là c'est carrément, c'est décalé, c'est déplacé, prendre une arme, tirer 3 coups sur un humain qui est déjà par terre, c'est une grosse, tu vois, je trouve que déjà on devrait naturellement soigner ce monsieur et regarder ce flic et lui retirer, je sais pas, moi, tu vois, ses papiers, son arme, non, comment ça se fait que ça se passe pas comme ça? Ah, moi, je crois qu'on pourrait se poser beaucoup de questions. Déjà, par exemple, en Angleterre, les simples policiers qui font ce genre de travail ne sont pas armés. Pourquoi nos policiers sont armés? Pourquoi on envoie quelqu'un armé pour déloger des SDF? Quel est le sens, si on réfléchit plus loin, un peu plus philosophiquement, à notre société, quel est le sens de faire ça? Ça ne fait pas sens, c'est complètement absurde. Et donc, oui, je pense qu'au-delà de la faute individuelle commise par ce policier qui a tiré, il y a une question sociétale qui est, mais pourquoi est-ce qu'on est organisé comme ça? Oui, donc on en vient quelque part aux politiques. Aux lois qui sont mises, mais plus que ça, c'est aussi, tu sais, la pub, ce qu'on enregistre tous dans nos têtes inconsciemment, comme ça, tout est bien ordonné, quoi, en fait, hein. La police, les SDF, monsieur, madame, tout le monde qui travaille, puis les gens de plus en plus haut, hein, les milliardaires, tout... Et tout le monde a ressent le besoin de se dire jusqu'ici tout va bien. Tout le monde sait bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement, hein, mais tout le monde ressent cette espèce de besoin de se rassurer. Et quand on commence à dire oui, mais les policiers tirent, ça voudrait dire que les policiers sont dangereux, que des policiers peuvent être dangereux. Et là, ça remet en question quelque chose d'assez fondamental dans la société que les gens ne veulent pas entendre. Les gens ont besoin de croire que la justice est juste, que les policiers sont là pour les protéger, que l'école est là pour enseigner et que tout va bien. Et quand on leur dit, ben attendez, c'est pas si clair que ça, il y a des choses qui dysfonctionnent vraiment, vraiment très fort, eh bien ça perturbe tellement qu'il y a une partie des gens qui ne veulent pas l'entendre. Alors j'espère que... Il y avait 3 juges parce qu'on était en appel. J'espère que les 3 juges du procès d'Ahmed El-Hassey ne seront pas de ceux qui ne veulent pas entendre et qu'ils entendront quand même ce qu'on a pu plaider sur la détresse dans laquelle vivait M. El-Hassey, sur cette absence de volonté de faire de mal à qui que ce soit, mais juste cette espèce de « je veux qu'on me laisse tranquille ». Et qu'il va pouvoir sortir de prison, puisqu'on a quand même demandé un sursis. J'espère que ça va fonctionner. Mais je pense qu'il y a vraiment ce souci chez beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a dans cette société quelque chose qui dysfonctionne structurellement. Après, on reviendra, c'est presque fini, hein, parce que je sais que tu es occupée, on reviendra un peu pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec M. Ahmed El-Hassey, ça y est, je pense que je l'ai dit convenablement. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Comment on peut l'aider? Enfin, voilà. Mais j'avais envie encore de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, on n'a pas envie de voir. Je vais essayer de le dire en quelques mots. J'ai vu un documentaire de gens, mais vraiment dans le milieu alternatif, quoi. Donc, c'est pas visible, audible à tout le monde. C'est dans les quartiers en France. Tu sais, les quartiers Saint-Denis, les quartiers où c'est ghetto, poubelle, on s'en fout, tu sais, où c'est les anciennes colonies qui sont là, enfin, tu vois, qu'on continue, en fait, hein, les colonies continuent, en fait, hein, mais on voyait une dame qui avait reçu, avec les manifestations contre Macron, les gilets jaunes et tout, une gilet jaune, on va l'appeler comme ça, qui a reçu un LBD, donc un tir de policier dans l'œil, elle a son œil. Je crois qu'elle a réussi à pas à le sauver, tu vois. Mais du coup, c'était super touchant et super beau à voir. Mais est-ce qu'il faut en arriver là? Qui dit, la femme qui disait, parce qu'on a, on avait, enfin, c'était un plateau média. On avait réussi à mettre des gens, des sales quartiers, on va les appeler comme ça, pour simplifier, et des gens, des gilets jaunes. Et en fait, ils se rendaient compte. La dame disait, mais c'est fou parce que je me suis jamais rendu compte de toute cette violence que vous vivez au quotidien, alors que tu vois, dans les quartiers, ils ont l'habitude, quoi. Les mères disent à leurs enfants, faites gaffe à la police, quoi. Enfin, tu vois, ils sont déjà conditionnés. Et voilà, et je trouvais ça intéressant de se dire que cette violence policière, bah, y a certains gens qui la connaissent déjà depuis tout petit, dans des quartiers, tu vois. Et d'autres, là maintenant, avec les gilets jaunes, qui les découvrent, quoi, cette violence policière. Voilà, j'avais envie de dire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, moi, j'ai eu cette fracture quand j'étais à l'université. Parce que moi, je venais d'un quartier plus défavorisé, dans lequel tous les jeunes avaient déjà eu des contrôles injustifiés, des passages à tabac, des choses. Enfin, c'était à l'époque, c'était un commissaire ici à Scarbé qui s'appelait De Molle, qui était un type d'extrême droite, et on avait beaucoup, il y avait beaucoup d'exemples d'abus de la part de la police. Et quand je suis rentrée à l'université, ben, j'avais l'impression que aucun de mes profs ne comprenait le monde dans lequel on vivait. C'était vraiment un autre monde. Et donc, j'ai réussi en étudiant par cœur, ce qu'ils me demandaient d'étudier par cœur, mais j'avais vraiment l'impression qu'on ne parlait pas la même langue et que j'apprenais leur langue pour réussir leur examen. Et c'est de là qu'est venu ce truc de il faut traduire, parce que nous, on ne vient juste pas de la même planète et eux, c'est d'une autre planète. Et donc, souvent, il faut réexpliquer un truc tout simple qui peut sembler évident à des gens qui... Ce que j'ai expliqué au procès d'Ahmed aurait semblé le béaba pour n'importe qui travaille avec des SDF, mais était nouveau pour le juge. Ou ce qu'on explique quand on parle de violence policière, qui semble évident pour des jeunes de quartier, mais qui pour un juge n'est pas du tout clair. Oui, ou ça l'arrange bien le juge que ce soit. Enfin, tu vois, je comprends ce que tu dis. Il y a une traduction, un décalage de monde, mais il y a aussi carrément une coupure. Il n'y a pas d'élan véritable pour comprendre l'autre, entre guillemets, parce que sinon, le monde irait beaucoup mieux. S'il n'y avait pas cette énergie, cette empathie, tu vois, le monde irait beaucoup mieux. Enfin, tu vois, on partagerait les richesses. Enfin, tu vois. Je ne sais pas si c'est un fait exprès de leur part ou si c'est vraiment le fait d'avoir grandi comme ça avec toute une idéologie qui fait qu'ils ne comprennent vraiment pas, ou bien ils croient qu'on ment ou qu'on exagère ou que... Ou... Mais moi aussi, avant, je pensais ça pendant tout un temps. Et un jour, la lumière s'est un petit peu allumée dans mon cerveau. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas continuellement, comme ça, avec le temps qui passe, dire... Oui, mais c'est parce qu'ils ne voient pas, c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est parce que tu peux laisser une fois une chance. Allez, deuxième, troisième, au bout de la quatrième, tu n'y crois plus, quoi. Enfin, voilà, c'est mon avis, mais ça pose des questions. Dis-nous, Selma, Ben Khalifa, qu'est-ce qu'il en est pour Monsieur Ahmed, alors ? Bien, donc, on espère que le juge va avoir cette petite lumière dont tu parles. Et le 21 juin, il y a le prononcé. Donc, je t'invite à venir le 21 juin au palais de justice. Et là, on saura ce qu'il en est pour Ahmed, puisque à la fin des plaidoiries, le juge prend en délibéré. Et il nous donne une date pour le prononcé. Et il a dit le 21 juin, premier jour de l'été. On espère que Ahmed verra l'été en liberté. Parce que là, pour le moment, il est en prison. Oui, oui, il est à la prison de Saint-Gilles. Le 21 juin, normalement, peut-être, il sera libéré. On espère. Grâce à des avocats comme vous. Génial, merci Selma Ben Khalifa. Qu'est-ce que tu as envie de dire, ou bien tu as tout dit, sur tout ça, sur cette histoire, sur de ce qu'on a parlé? Peut-être que je n'ai pas posé une question qui t'aurait permis de... Non, c'est bon. J'ai tout dit. Merci à toi, alors.